C'était le souhait d'Andy Kendricks en 1972. Eddie Kendricks qui était rien de moins que l'un des piliers du groupe soul The Temptations dans les années 60 et 70. Des jours meilleurs que l'on retrouve maintenant avec les tauliers hollandais Crack and Smack. You make everything alright when you hold and squeeze me tight. You make everything alright when you hold and squeeze me tight. You make everything alright when you hold and squeeze me tight. You make everything alright. You make everything alright when you hold and squeeze me tight. You make everything alright. You make everything alright when you hold and squeeze me tight. Make everything alright. La nuit des temps, Radio Duo. You make me feel so nice when I'm around you. Wake up in the morning and I'ma spend my whole life with you. Sweetness of your smile helps away with all of my fears. If it should all go wrong, my life succumbs to tears. I've never been so deep into anyone else but you. A place within my heart, never been so close to you. And if you want me to hang around and I'll never let go, I'll give you all my time, stick around with you for sure. You make everything alright when you hold and squeeze me tight. You make everything alright, thing alright. Never been so close to you. And if you want me to hang around, then I'll never let go. I'll give you all my time, stick around with you for sure. You make everything alright. Crack and Smack se sont associés à Ben Wisbitch, un producteur anglais encore plus connu pour ses collaborations avec Paul McCartney, Björk ou quelques pointures de la house. On le retrouve ici avec The Vision pour un get down au groove profond et à la production infiniment luxuriante, tout en guitare et en violon. Come on, get down, nous sommes à Londres. What you saying? It's time to get down. Come on. What you say? The Clash, Hitsville, 1980. They cry. la nuit des temps, l'international de la danse. Écrite sur une guitare à deux cordes par un jeune musicien, voici... Sky. Au tout début, ainsi parlait Zarathoustra. Where the wizard understood the spirit haunted where man seeks and spoke to ghosts that stood in blood. Go back to the old legend. The soul remembers and is true. What has been most and least imagined, no other, there is nothing new. The giant phantom is ascending toward its coronation, gowned with unheard music, yet unending. Follow the flower to the ground. Ainsi parlait Zarathoustra, c'est d'abord un bouquin du philosophe Nietzsche. Ensuite, c'est aussi un poème symphonique composé par Richard Strauss en 1896. Allez, on pousse un peu le temps, et en 1968, c'est aussi une symphonie qui refait un triomphe avec le film de Stanley Kubrick qui organise dans 2001 l'Odyssée de l'espace un alignement de planètes finales capable d'enfanter un nouveau monde pas loin d'être extraterrestre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1973, Emir Deodato, un jazz funker brésilien, pilonne en sauce disco psychédélique le chef-d'œuvre de Strauss dans un album aussi prétentieux que génial. Le 31 mars 1973, Deodato culmine à la seconde place des charts US. Puis après avoir produit des artistes comme Roberta Flack, Björk, Frank Sinatra et même le français Christophe, il est resté toujours accolé à ce Ainsi parlait Zarathoustra, tube sur les dance floors, que l'on retrouve maintenant dans La Nuit des Temps. Le Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick est l'une des rares provinces bilingues au Canada. Élisa Leblanc a écumé toutes les petites salles, les rades et les bars du coin. Partout, partout, partout, sur des scènes et devant des mecs complètement bourrés. Alors, avec toutes ces langues et ces bars, pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on pourrait faire demain ? C'est un hymne à la glandouille et c'est surtout une bonne question à se poser après Zarathoustra. Nous sommes à Rosaireville, au bord de l'Atlantique. Nous sommes en 2023 avec Lisa Leblanc, remixée par Poirier. before I die. The Clash est à juste titre associé au mouvement punk. Mais ce serait oublié à quel point c'était aussi un groupe qui absorbait les influences comme le dub, la soul, le rap et même la dance. La rythmique de Topper Hedden, le batteur, n'y était pas pour rien. The Clash en 1980, et c'est notre power play de la semaine. Slide, yes, slide, I've just read up. One bag of blues there and one bag of kush. I don't do lays, though, so get your peas up. Blah, blah, blah, Josh, have you any bud? Yes, slide, I've just read up. Sly and the Family Stone, les gens de tous les jours, San Francisco, nous sommes en 1969. Everyday people, yeah, yeah. Dance in the moonlight, and it's at the green one. You're Too Late a été 5 semaines au sommet du Billboard Hot Dance Club Play en 1981. Fantasy, lui, le groupe, a disparu de la circulation après quelques tubes et malgré des récidives jusque, tenez-vous bien, en 1991. Ils avaient pourtant ce petit truc dans le son qui sonnait bien à l'orée des années 80. Une super basse, des chœurs de folie, mais voilà les affres du dancefloor. Too late sauf pour la nuit des temps et son long cortège d'oubliés magnifiques. C'était une nuit d'été, nuit des temps, pour un mantra ce soir qui prenait la forme d'une drôle de question. Pourquoi faire aujourd'hui ce que tu pourrais faire demain ? C'était une question posée par la Canadienne Lisa Leblanc, remixée par son pote Poirier. Nous avons également écouté ce soir Eddie Kendricks qui rêvait en 1980, ni plus ni moins, d'un monde meilleur et forcément groovy. Il y avait aussi ce soir le producteur Ben Wisbeach avec les tauliers Crack and Smack ou encore The Vision. Et les Clash, mais oui, les Clash. Les punk Clash qui aimaient tant le groove et le mélange des genres, très loin de la pureté punk, donc très très punk parmi les punks. C'était d'ailleurs notre power play de la semaine. Double dose, double bonheur. Et Deodato, mégalo génial qui reprenait rien de moins que Richard Strauss pour faire danser le Brésil et la planète. On a également écouté les Compact Discs de Mise, presque autant pour leur nom que pour leur musique. Sly and the Family Stone, qui fera l'objet bientôt d'un power play. Fantasy, perdu corps et âme sur les dance floors. Et pour se dire au revoir, Duke Ellington. Vous le savez, La Nuit des Temps est disponible en podcast sur le site de Radio Duo, mais aussi sur Instagram à La Nuit des Temps 2. Duke, La Caravane, Harlem, Le Cotton Club, 1923, New York. C'était aussi un club avec son dance floor. Duke Ellington pour se dire au revoir et vous accueillir encore la semaine prochaine. On continue à ouvrir la nuit des temps pendant juillet. Je vous souhaite une très très belle nuit sur Saint-Étienne. À la semaine prochaine. Salut et restez bien fidèles aux bonnes ondes de Radio Duo. Et un petit bonus pour enjamber tranquillement 22 heures avec Booker T and the NGs.